En tournée intitulée Pacific Tour suit la sortie de cet album deux soirs à l'Olympia en novembre. Donc, le concert de la coopérative en mai à Clermont-Ferrand est filmé par Jacques Audiard qui avait déjà réalisé un clip pour Raphaël. Ses captations sortent en DVD Raphaël Live vu par Jacques Audiard, composé d'un concert et d'un entretien entre deux. On continuera après en parlant de 2012 et 2013. Là, on va s'écouter justement la chanson pour Patrick Dewaer, qui était un excellent acteur, Patrick Dewaer aussi. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. Et toi, je te connais pas, mais t'es plus ma copine. Et tous les jours et les semaines, mais tu me fais vraiment de la peine, non? Et regarde les autres comme ils s'aiment. Et moi je connais un bon coin où on pourrait s'embrasser. Je te veux rien, allez viens. C'est quoi cette petite vie? Et c'est quoi toutes ces maisons? Où ils s'en vont? Où ils s'en vont? Je connais un bon coin où on pourrait s'embrasser. je te veux rien. Allez, viens. Allez. Chanson pour Patrick Doer, donc c'est bien entendu Raphaël. Alors, de 2012 à 2013, Super Welter, le nouvel album est mis en vente en automne 2012. Il porte le titre Super Welter et le premier extrait s'intitule Manager. Cet album est produit par Benjamin Lebeau du groupe The Shoes et mixé par Greg Sylvet, entièrement réalisé chez lui. Il joue tous les instruments avec Benjamin Lebeau et réalise les photos et dessins du livret. L'album Disque d'Or est salué par les critiques. Il est présenté par Libération, L'Express et Le Parisien comme le meilleur album français de l'année. Reçoit 4 clés Télérama et définit rapide et cinglant comme une traînée de poudre, chanson étourdissante, délice toxique pour les Zarok. Raphaël reçoit le Globe Cristal de l'artiste masculin de l'année, un prix délivré par la presse en juin et en septembre 2013. Et est prévu une série de concerts à travers la France, Festival des Francopholies, Nuit de Fouvière, Vieille Charrue et également au Canada. Je change juste de ma page, hein, que voulez-vous ? Raphaël réalise également en 2013 un court-métrage de 22 minutes intitulé Revox, librement inspiré des chansons de Super Walter. En 2014 et 2015, hommage. Début juin 2014, Raphaël apparaît sur l'album de reprise des chansons du chanteur français Renaud, La Bande à Renaud, et y interprète la chanson pour Pierrot. Je vous parlerai après de 2015. On va s'écouter tout simplement le titre 1900 et on se retrouve tout de suite après. Backstage, les coulisses du son. Au bar, c'est la nuit qui descend du bout des comptoirs. Et si je t'aime comme je t'aime, dans nos bras scellés, c'est l'amour par la grâce des baisers. Si je t'aime, si tu m'aimes, contre un bras scellé, c'est décidé. C'est la nuit qui descend autour, c'est la nuit des sapins, des hautes tours. Et on tourne et on tourne sur les boulevards. Et l'amour est l'amour qui revient tôt ou tard. C'est la nuit qui tourne quand les feux sont noirs et qu'on se marre. Chaque jour, chaque matin, on avance, on se tient, et la main dans la main. Et on tourne et on tourne, on s'attache à nos cours, et on tourne tout autour de nos jours. C'est la nuit qui tourne, elle va comme elle vient, et c'est très bien. Hey! Ce n'est que la fin d'un jour. Où est-ce que l'on rentre, mon amour? Est-ce qu'on sera ensemble toujours? Toujours. La tempête nous fait frissonner. C'est le vent qui nous fait marcher. Et la nuit n'en finit donc jamais. Comme un tour, continue à se moquer de la vie, de ses passagers, de ses. Voilà, donc c'était les titres 1900 de Raphaël. Alors, on passe en 2015 avec Somnambule. En mars 2015, Raphaël lève le voile sur son nouveau titre Somnambule. Premier extrait de son nouvel album Somnambule qui paraît le 20 avril 2015 sur ce titre. Comme sur le reste de l'album, on retrouve des chœurs d'enfants de l'école Audon du 18e arrondissement de Paris qui vient doubler les voix du chanteur sur les refrains. L'album est enregistré au studio Ferber et à l'école Audon par Greg Sylvet. La chanson sont écrites par Raphaël et David Ivar, le chanteur du groupe Herman Dunn, qui l'accompagne sur l'album. Le clip du premier single, Somnambule, a été réalisé par Raphaël lui-même, courant mars 2015. L'album reçoit des critiques élogieuses et reçoit 4 clés pour Télérama et au quotidien Le Parisien. Une tournée s'ensuit au début de l'automne. En juillet, Raphaël reprend l'album Matrice de Gérard Manset ainsi que d'autres titres de celui-ci. Dans une création unique sur une scène nationale et cursive, à la demande de Franco de La Rochelle, c'est la première fois que les chansons de Manset sont jouées sur scène. Le concert sera retransmis en direct sur France Inter et recevra un bon accueil. On va s'écouter un autre titre de Raphaël, Schengen, et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Backstage. Du monde, j'étais trop grand pour me courber. Parmi les nuages de poussière, juste au bord de la terre. Et j'ai marché le long des routes, le ventre à l'air dans le ruisseau. Et même que le vent nous écoute, et la pluie va tomber bientôt. Je voulais juste marcher chez moi. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis le mien. Tellement de nuit sous la paupière, de forêt abattue. Même sous la mitraille et le fer, moi je n'aurais rien vendu. Et que même dans l'espace Schengen, ils ont pas voulu de ma peau. Ce que je fais là, je ne sais pas. Je voulais juste marcher, je crois. Ce que je fais là, je ne sais pas. Je pense à toi. Voilà, donc Résistance à la nuit, c'est le backstage aujourd'hui qu'on se consacre donc pour l'album de Raphaël. Et là, c'était le titre Schengen. Donc, vous avez pu constater au fur et à mesure qu'on avance, Raphaël s'intéresse de plus en plus à tout simplement à la réalisation de films. Eh ben, on va vous parler de cinéma et théâtre. Lors du festival de cinéma américain de Deauville en 2009, il est membre du jury de la révélation Cartier, soit 2 ans après que Mélanie Thierry a été dans ce même jury. Il est également membre du jury du Festival international du film de Bruxelles en 2014. Après 2 rôles au cinéma comme acteur au début de sa carrière, Raphaël tourne en 2010 sous la direction de Claude Lelouch dans le film « Ces amours-là » où il joue Louis, un amant de l'héroïne interprétée par Audrey Dana. Raphaël se lance ensuite dans le théâtre en jouant en 2011 pour l'amour de Gérard Philippe de Pierre Note avec Emma Decaume au théâtre La Bruyère du 23 février au 9 avril. Il est Il a également composé plusieurs musiques de films, Un voyage de Samuel Bichetry, sorti en 2013, Asphalt du même réalisateur, sorti en 2015, et Les Cowboys de Thomas Biddingen, sorti en 2015. Ces 2 derniers films étaient d'ailleurs présentés au Festival de Cannes en 2015. Il a réalisé en 2013 Revox, un court-métrage musical, ainsi que les clips de Manager et de Somnambule. Vie privée de Raphaël. Ben, Raphaël est en couple avec l'actrice Mélanie Thierry, qui est apparu dans 2 de ses clips, Caravane et dans 150 ans. Ils se sont rencontrés en 2002. Leur premier enfant, Roman, est né le 24 mai 2008. Leur second enfant, Alioka, est né le 31 décembre 2013. Une bonne fin d'année pour eux. On va s'écouter le titre « Les petits bateaux » sur cet album « Résistance à la nuit » qui est vraiment superbe, un superbe live de Raphaël. Et on se retrouve tout de suite après. Backstage, les coulisses du son. Et puis nous casse. Et pourquoi tu restes pas avec moi? Et pourquoi tu t'en vas pour la vie? Et les bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes? Pourquoi les avions s'envolent bien plus haut que les oiseaux? Pourquoi que les étoiles sont-elles là-haut suspendues? Pourquoi le ciel est-il si haut? Pourquoi alors un autre jour s'en va? Tourne et tourne et ne s'arrête pas. Et un autre jour s'en va dans cette petite ville. Je voudrais pas crever l'ennui. Regarde le vent qui emporte tout, même ce qu'il y a de plus beau, et les sourires et les enfants. Avec les petits bateaux, pourquoi même les nuages veulent pas rester ici? Si j'étais eux, je marcherais vite, je ferais pas d'économie. Et un autre jour s'en va. Tourne et tourne et ne s'arrête pas. Et un autre jour s'en va dans cette petite ville. Ah, je voudrais pas crever l'ennui. les petits bateaux, Raphaël, bien entendu, backstage consacré à cet album Résistance à la nuit. Alors, si vous voulez acquérir les albums de Raphaël, ils sont toujours faciles à trouver, hein. Alors, je vais vous donner les dates et les titres d'albums. En 2000, Hôtel de l'Univers. En 2003, La Réalité. En 2005, Caravane. En 2006, Résistance à la nuit. C'est le backstage qu'on s'écoute. 2007, Une nuit au Châtelet. 2008, Je sais que la Terre est plate. 2010, Pacifique 231. 2011, Live vu par Jacques Audiard. En 2012, Super Welter. En 2015, Somnambule. Et en 2015 aussi, Solitude des Latitudes. Raphaël qui a revisité les titres de Mansay. Vidéographie, en 2006, Résistance à la nuit, c'est le live donc. DVD 1 Zénith de Paris et le DVD 2 Théâtre au Châtelet, concert acoustique. 2011, live vu par Jacques Audiard. On va s'écouter un titre, puis après je vous parlerai tout simplement des collaborations musicales que Raphaël a réalisées. On va d'abord s'écouter tout simplement le titre Sur la route de Raphaël. En couleur, en concert, sur RQC. Comment sera bien? Comment sera bien? sur la route. Raphaël en concert, backstage, dont bien entendu consacré à cet album Résistance à la nuit. Donc je vous avais dit que j'allais vous parler pour terminer la collaboration musicale que Raphaël a pu faire jusqu'à présent lors de sa carrière. Ben, il y a déjà pas mal de collaborations. Et notamment, Benjamin Biolay l'a aidé pour son premier album en l'accompagnant au piano sur le titre Libre Service. Raphaël a également collaboré avec de nombreux artistes dont Stéphane Escher, Rendez-vous en 2007 sur l'album Eldorado, Daniel Darc, Gérard Manset, Florent Pagny, Comme l'eau se souvient en 2006 sur l'album Abracadabra, Johnny Hallyday, je n'appartiens qu'à toi en 2008 sur l'album ça ne finira jamais, ou Calogero, Le plus beau jour en 2002 sur l'album qui porte son nom et Un jour parfait sur l'album 3 de Calogero. Il écrit et a réalisé 3 titres pour Zaz sur le premier album de cette dernière, sorti en 2010, La Fée, Port-Coton et Ébloui par la nuit. Il a également interprété des titres écrits par Gérard Manset, Stéphane Escher, Boris Bernian et Dick Hanegem. Il participe au concert des Enfoirés de 2006, 2007 et 2009. Il a fait des duos aussi avec Laetitia Casta. Il a aussi repris des chansons de Barbara. Il chante le duo avec Le Ruisseau de mon enfance avec Salvatore Adamo. Il chante Les peines perdues dans le conte musical Docteur Tom Tom ou La liberté en cavale. Il reprend L'apiculteur d'Alain Bachung. Donc franchement, un très très grand chanteur, ce Raphaël. Et très grand compositeur aussi. Nous, il est bientôt l'heure de se quitter. Malheureusement, ça passe très vite, une heure. On va se quitter avec un dernier titre de cet album, donc je vous rappelle, qui est sorti en 2006, qui s'appelle tout simplement Résistance à la nuit, Raphaël en concert. C'est un double album de 16 titres sur le premier CD et 5 sur le suivant. Je vous conseille à le prendre, franchement c'est super, on ressent vraiment plein de choses en écoutant cet album. Et on va s'écouter le titre Caravane, et nous on se fixera de rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Backstage. Ciao à toutes et à tous, et restez bien branchés sur RQC 95 FM. Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble, que moi aussi je tremble un peu, est-ce que je ne vais plus attendre? Est-ce qu'on va prendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rentre comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait, et c'est le bon Dieu qui nous brise. Parce que rien ne peut s'oublier, puisqu'il faut qu'il y ait une justice. Je suis dans cette caravane. Partons, allez bien. ma peau est la seule que j'ai. Que bientôt mes os seront dans le vent. Je suis né dans cette caravane. Et nous partons, allez viens.